tiens, tiens, tiens, tiens. La propagande de démoralisation du peuple. Ouais. Soyons démoralisés. Oui. Prêts à se suicider. Oui. Chaîne d'information continue. Ouais. Qui distille la peur, le fascisme. Ouais. Groupe contre groupe. Ouais. Clan contre clan. Ouais. Gens contre gens. Ouais. On accepte ça. Ouais. Flics contre gens. Ouais. Magouille des états. Ouais. Magouille des hautes sphères. Ouais. Magouille capitaliste. Ouais. Magouille royaliste. Ouais. Magouille dictatoriale. Ouais. Magouille à tous les étages. Ouais. Voix rien que dans un petit village. Y'a magouille. Alors une ville. Oh. Une région. Un pays. Oh. Des pays. Oh. Une monde économique. La banque mondiale. Qui tient les rênes des autres rênes. Le physique mais aussi le mental. L'église et l'état. Les autres, le tiers d'état. Tiens. La propagande de démoralisation du peuple. Voyons démoraliser. Oui. Prêt à se suicider. Oui. Thank you.